Ça dure ou pas, ça laisse des traces, et quoi que l'on fasse, ça reste là. Les chagrins d'amour, ça vous grave la peau. Aussi vrai, aussi sûr,